Quand je vais monter aux cieux, aucune idée. Boisseux, comme un Kennedy, je boisseux. Verre de Heineken, il me dit que je peux mourir soirceux. Tué par un skin dans une soirée zoulou. Tu me tues, mon frère te tue, je doute que le problème soit résolu. Dieu, c'est un peu comme mon voisin du dessus. Moi je l'ai jamais vu, mais lui, tu peux être sûr qu'il m'a déjà entendu. Le diable m'a dit, meurs, c'est pas la mort, merde. Il a demandé au flic bourré de lui envoyer des Mohamed. La mort, quand je vais y réfléchir. Puis réfléchir, je lui obéirai. Quand elle me fait réfléchir, on est fiché. Elle a nos photos, manque plus que le tampon. Je croque la vie sans faire de plongée sous narine avec des rails de coke. Pareil knack, c'est pris une balle en bas de sa tour. Je crois pas qu'il soit mort, mais où est son corps et celui de Tupac Shakur. Ici, avant de te sourire, on te surine d'abord. Ce morceau, c'est Nak, les 10, Wallen, futurine la mort. Les meilleurs partent, est-ce qu'on pense à ceux qui restent en bas? Question bad, qu'est-ce t'en bave? La tête autant reste en brave. Ici seul en compagnie de ses chagrins, ses peines, chacun ses blêmes. Cherche en vain tes vrais amis, ça craint, c'est bête. Le cœur ensanglanté et dégoûté, amer est là. Ma force de sangloter, on s'engloutit, heureusement ma mère est là. Mon père est parti maintenant, il y a déjà 10 années. Il me donne sa force là-haut pour que dans ma tête j'ai pas la zizanie. Jour dilemme, dealer et résider au CJD. Ou si t'as des trucs à dire, dealer. Le rap c'est réciter ses idées. À 12, 13 ans, tous présents au deuil, mettez du père sur les fiches des profs. J'avais pas quoi répondre à métier du père. On lui a pas dit je t'aime, sur cette photo on s'éternise. Je me rappelle presque plus de sa voix et les photos se ternissent. Je pourrais oublier, je pourrais au cimetière. Mais à 13 ans j'ai vu le nom de mon père sur une pierre au cimetière. Mon mur est tapissé, pour lui je me tape ici. Maman c'est promis, je t'offrirai ta villa et ta piscine. J'en ai les larmes oyeuses, le cœur comme un tambourin. Je veux une vie harmonieuse, mais le bonheur, je crois que je l'attends pour rien. Tu sais, les souvenirs arrivent pêle-mêle. Échouer, je peux pas me permettre, mon père m'aide. V'là 10 ans qu'on espère, mec. Mes sentiments, je les traduis, essaye d'être trop doué. Pour la mémoire de nos pères, on fera tout pour finir à Broadway. J'ai la haine, cela, c'est Vince, j'ai la haine comme Vince, c'est la vie, m'chella. Mais Inch'Allah que je lâche qu'une seule larme. J'ai ce qu'est le deuil et j'envie celui qui sait pas. Est-ce qu'on s'occupe bien de là-haut, est-ce mieux qu'ici-bas? D'ailleurs, c'est vers Dieu que leur âme s'élève, d'ailleurs. On cherche le paradis dans un Ramsef, d'ailleurs. J'ai plus de larmes et plus d'angles, donc je me déshydrate. Mais je te rejoindrai, papa, quand le destin le décidera.